François Morel. Il est 8h56 et vous êtes en duplex de Toulouse. Bonjour. Lorsqu'on atteint le bel âge de 10 ans dans certaines familles, modestes mais pour qui la connaissance est valorisée, on reçoit quelquefois un petit Larousse que l'on recouvre de plastique afin de ne pas l'abîmer et que l'on dédaigne un peu présomptueusement quelques années plus tard pour un Robert quand on croit pouvoir se passer des images. Chaque année, un nouveau petit Larousse apparaît avec ses mots nouveaux. Chaque année, on fête l'arrivée de ses nouvelles entrées. Des mots jusque-là pas reconnus, plus ou moins méprisés, qui survivaient comme ils pouvaient dans cette sorte de purgatoire lexical du néologisme, peuvent enfin paraître à découvert et la tête haute. Fêtons cette année l'arrivée de nouvelles entrées, survivalisme, locavorisme, antispécisme, bigorexie, divulgaché, ubérisé. Autant de mots que mon rétrograde ordinateur, qui sans doute se croit encore à l'époque de René Coty et de Gloria Lasso, souligne de rouge. Moi je dis bienvenue aux nouveaux mots. Oui, des mots nouveaux, je vous souhaite une belle vie, longue et riche. J'espère que vous saurez trouver votre place dans la société et dans les conversations. Je souhaite, parce que vous le méritez, que vous vous sentiez utile, reconnu, et surtout parce que c'est l'essentiel, parce que c'est la clé de tout, je souhaite que vous vous sentiez aimé. Oui, car un mot qui est désiré, un mot chéri, entouré, aura plus de chance dans la vie. Mot nouveau, je souhaite que vous trouviez l'amour et qu'avec d'autres mots, nouveaux ou anciens, vous vous accoupliez, vous copuliez, vous baisiez et qu'ensemble, confiant dans l'avenir, vous deveniez heureux et réussissiez à votre tour à faire beaucoup de locutions, beaucoup de phrases, que vous vous mariez et que vous fassiez beaucoup d'enfants. Évidemment, toute la promotion du nouveau dictionnaire est basée sur ces mots nouveaux qui viennent enrichir le vocabulaire. Mais je voudrais, moi qui me situe du côté des petits, des mis de côté, des oubliés, des sans-grades, me souvenir de tous les mots qui ont été depuis des années retirés des dictionnaires Larousse, tous ces mots décédés, aujourd'hui oubliés. Aux mots disparus, aux mots morts, la patrie reconnaissante. Jeannot. Bestias. Chaufournier, affinoir, pète en l'air, velche, embesognier, chopiné, zinzolin. Je ne peux évidemment citer tous les mots retirés du dictionnaire au fil des années. En revanche, je peux suggérer quelques mots nouveaux pour les éditions futures du Petit Larousse. Castanérisé, tweeté à tort et à travers, l'équivalent du verbe américain « trumper ». Hollandisé, donner des conseils au président de la République dans le but de faire chier. Et enfin, je propose un verbe dans un autre registre, « toutousé », participer à une sexualité de groupe canin. À tous ces mots nouveaux, je souhaite également le meilleur. Merci beaucoup François Morel.